Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une émission enregistrée dans le cadre d'une série autour d'Éric Rohmer, en compagnie de Fabrice Lucchini, initialement diffusée le 20 juin 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour parler du cinéma d'Éric Rohmer ce matin, de ses films, de sa direction d'acteur, du métier d'acteur en général, de la beauté et de la séduction, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Fabrice Lucchini, présenté par Éric Rohmer. En ce qui concerne Fabrice, il est certain que... Ah, c'est vous. Anne. Super. C'est intéressant. Tu vas bien? Si l'on veut être vrai, en fait, alors, il faut accorder une grande importance. Il paraît que tu vas te marier. À la parole. C'est très anecdotique. Écoute, je sais, on me l'a dit, avec un super aviateur. Que les gens au cinéma s'expriment comme ils s'expriment dans la vie. C'est pour que tu prennes cet aviateur, moi c'est comme ça. Mon texte est écrit. Pas mal du tout. C'est pas si naïf que ça. Hein. Je donne très à l'avance à l'acteur, de façon qu'il est bien assimilé, etc. Ah bah voilà. Disons qu'a priori, c'est plutôt des fantasmes. Lorsqu'il parle, on a besoin de rien d'autre. Ça, c'est parler franc. Bravo. Bravo. Vive l'irrespect. C'est possible, Fabrice Lucchini, c'est possible. Et beau. Que c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte. J'ai une question encore, mais vous n'êtes pas obligé de répondre non plus. Mmh. Attendez, je m'explique, ne m'interrompez pas. Vous voyez, je vous arrête immédiatement. Je sais que tout ça est voulu, que c'est pour mettre en évidence le motif central. Faut pas l'écouter, il est dingue. Est-ce qu'elle est bien, l'eau? Elle est formidable, allez, viens. Bonjour Fabrice Lucchini. Oui, c'était, j'avais 17 ans. C'est le premier film que j'ai tourné avec Éric Rohmer, Le genou de Claire. Le dernier extrait qu'on a entendu là. Oui, avec Béatrice Roman, à Taloir. Alors évidemment, ça comme dirait Céline, ça nous remet loin, puisque j'ai 67 ans, donc ça nous remet à 50 ans. Et c'est votre... Alors vous avez déjà tourné un film avant? J'avais tourné un tout petit film avec Philippe Labreau, mais celui qui m'a nommé. C'est pour ça que j'ai un lien et que j'ai pas hésité à me lever tôt ce matin. Parce que tout ce qui est lié à Rohmer et j'ai, la dette, c'est un mot faux et con. Enfin, pardonnez-moi, est un mot inadapté. Je n'ai pas de dette, mais j'ai de la reconnaissance puisque c'est un homme qui m'a nommé car il était libre. Oui, il m'a nommé. Il m'a donné un nom. S'il n'y avait pas eu Éric Rohmer, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de lui. Mais si Rohmer n'avait pas le courage aristocratique, la liberté d'imposer dans Le genou de Claire et puis après dans Perceval et puis après dans Les nuits de la pleine lune, un jeune homme qui était absolument pas du tout reconnu, qui n'existait pas, je n'aurais pas eu d'agent. De l'agent, je n'aurais pas eu la découverte du théâtre avec le grand professeur Cochet. Donc c'est Rohmer qui avait la première quintessence de qui est Rohmer, un homme libre, le seul homme libre du cinéma, un homme qui ne dépendait pas des télévisions, qui ne dépendait pas de Canal+, qui ne dépendait pas, un homme libre, autoproduit, avec des films peu chers, une liberté absolue, qui n'a fait qu'augmenter avec l'âge, puisqu'on finissait par être trois sur le plateau, puisqu'il faisait le clap, il balayait, et il faisait la cantine, et il faisait à manger. Par exemple, le maire, l'arbre et la médiathèque, on était 92, quatre. Oui. Voilà. Donc, Rohmer a eu le courage de me nommer, de me renommer plusieurs fois et de me confier son seul grand bide, c'est-à-dire son grand projet, et ça l'a blessé, c'est Perceval le Gallois, 2h20 d'octosyllabes, et comme je dis dans mon spectacle, je sentais bien qu'il y aurait un problème, je disais à Eric, 2h20 d'octosyllabes, c'est pas gagné. Et alors on va y venir un peu plus tard à oui, Perceval. Oui, c'est plus tard, ça, bien sûr. Juste, dites-nous, savez-vous pourquoi il vous a choisi, du haut de vos 17 ans? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait un producteur qui s'appelait Pierre Cotterelle, qui avait vu un petit film dans lequel j'avais une petite figuration de Labreau, et il a dit, tiens, il y a un petit jeune homme, tu devrais le voir. Donc il m'a convoqué, j'avais aucune envie de faire du cinéma, puisqu'il y a 50 ans, on était encore dans les atmosphères 68, etc. Il n'y avait aucune ambition de carrière, personne, ça ne voulait rien dire, on n'avait qu'une ambition, aller fumer du shit à Katmandou, donc on n'était pas du tout ambitieux. Je suis rentré de manière assez libre, il nous a emmené à la piscine, car il ne voulait pas déshabiller, même montrer le genou de Claire, Laurence de Monaghan, dans son bureau, par délicatesse, il l'a invité à la piscine. Donc, premier contact avec Éric Rohmer, je vous donne rendez-vous, parce qu'il parlait comme ça, Éric. Bon, écoutez, Fabrice, j'ai besoin de vous voir à la piscine. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est peut-être un vieux vicieux et tout ça. Et on se retrouve à la piscine, et il a voulu voir Laurence de Monaghan en maillot de bain. Donc, il ne lui a pas demandé de mettre ses jupes plus courtes. Il nous a invités à la piscine. Et donc, j'avais un tout petit rôle avec Briali, Béatrice Roman. Je pourrais vous raconter, si on avait le temps, des anecdotes surréalistes, parce que ça a très mal commencé. Mais on y reviendra. On la garde. On a le temps. Et puis, quand je vous dis nommé, c'est qu'il m'a choisi. Il m'a donné mon nom d'acteur. Si je suis acteur, si j'ai la chance d'être au théâtre. Et depuis 40 ans, tout est à cause de Romère. Mais c'est intéressant que vous disiez « il m'a nommé » parce que dans votre livre, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comédie française ». Ça a débuté comme ça aux éditions Flammarion. Vous racontez que votre prénom, Fabrice, vous l'avez trouvé la première fois que vous avez travaillé. Oui. Dans un salon de coiffure. Oui. Vous cherchez Robert, ça n'allait pas. Comme ils n'étaient pas cultivés, ils n'avaient même pas oublié. Pour vous, c'était Robert de Montesquieu et tout ça. Ils pensaient que Robert, c'était populaire. Donc, ils m'ont dit, change de nom. Mais là, vous dites, c'est Romère qui m'a baptisé, qui m'a nommé. Il m'a nommé complètement puisqu'il m'a, il m'a structuré, comme dirait Barthes, par son désir et sa liberté de prendre quelqu'un d'inconnu. Il m'a baptisé. Il a dit, tu seras comédien. Il l'a pas dit, mais enfin, il m'a donné une chance. Il y a aussi un problème avec Romère, c'est que la chance de Romère peut être une malchance pour les acteurs. Il y aura un travail à faire sur la tragédie des acteurs de Romère qui, comme les acteurs de Bresson, sont pris dans un antinaturalisme, dans une sorte de récitation du texte très dialogué, et ça pouvait être une entrave. Mais moi, j'ai eu cette chance immense, c'est que j'ai été très lié avec lui et il m'a un peu enfermé, puis après il m'a libéré de la prison grâce aux Nuits de la Pleine Lune, qui a été le tournant de ma carrière, quel mot affreux, en tout cas le tournant, voilà. Donc Romère m'a nommé parce qu'il m'a aimé et parce qu'il m'a désiré. Et vous le dites, j'insiste sur cette première rencontre parce qu'elle est vraiment très belle et vous la racontez très bien dans le livre, vous dites en fait quand vous, la première fois que vous vous rendez chez lui, vous attendez derrière la porte, il ouvre la porte, et la première chose que vous dites je lance d'une voix forte, âgé de 30 ans, Zarathoustra quitta son pays et le lac de son pays. Pourquoi j'ai dit ça? Tout est vrai. Vous citez du Nietzsche. Parce que j'étais un jeune adolescent. Parce que vous étiez stressé, vous citez du Nietzsche. Et c'est là qui m'a fait cette réplique. Je le dis dans le théâtre, d'ailleurs, en ce moment. Il a dit cette phrase extraordinaire. Il a dit, ne bougez pas, ne bougez pas. Alors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il ne me laisse pas rentrer. Il est revenu avec un livre de Nietzsche et il m'a dit, on lit le même, mais moi, il est en allemand. Voilà. Et lui, il lisait Also, etc., en allemand. Donc, tout a commencé comme ça, parce que j'avais aucune tension. Tu sais, Barthes dit toujours, quand on est près d'un acteur, on a peur. Mais moi, je voulais pas être acteur, donc j'étais... Vous savez, Romère, il supportait pas les gens qui parlaient de son cinéma. Il supportait pas les critiques, il supportait pas... Il voulait faire du thé. Du thé qu'il donnait aux actrices. Moi, j'ai passé des dizaines et des dizaines, des centaines d'heures avec lui. Et il aimait la conversation, au sens de Madame Dudéfant, au sens où il se levait pour nous dire du Victor Hugo. Et moi, je lui disais du Rimbaud. C'est très étrange, la relation. Mais on... allez-y, parce que je ne vais pas faire des réponses trop longues. Représenter la vie, c'est le but du cinéma, hein, parmi les autres arts. Enfin, c'est... Eh bien, c'est d'essayer d'atteindre une certaine vérité. Ce n'est pas de chercher à transposer, c'est au contraire à presque à la décalquer. Enfin, mon idéal pour moi, ce serait que les gens au cinéma s'expriment comme ils s'expriment dans la vie. Éric Romère sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Éric Romère par Fabrice Luchini qui est avec nous en studio aujourd'hui. Mon idéal, dit Éric Romère, ce serait qu'au cinéma, les gens s'expriment comme dans la vie. Quelle ironie, Fabrice Luchini, parce qu'il suffit d'entendre les extraits qu'on a diffusés cette semaine pour entendre que les gens dans les films d'Éric Romère ne parlent pas du tout comme dans la vie, à part peut-être comme vous, parfois. Oui, dans certains, mais c'est le contraire. Ça, c'est un paradoxe étrange. Ou alors, ils voulaient réinventer un naturalisme. Parce que les gens qui n'aiment pas Romère, il y en a énormément. Ils se demandent de quoi ça parle. Moi, ce qui est incroyable, c'est qu'il ne m'a jamais demandé... Il s'en fout des cinéphiles. On lisait des critiques qui parlaient de lui comme un génie de la perversité. Il disait, je comprends pas. J'ai une anecdote très simple sur les critiques. Nous présentions Perceval... Et nous présentions ce film qui a été une très grande blessure pour lui. Et pour moi, ça a été merveilleux, mais je suis quand même resté 3 ans et demi au chômage. Et il y avait plein de ciné-clubs, et un jour, il y a un intellectuel qui a posé une question. « Monsieur Romère, je pense que vous avez rompu entre le masculin et le féminin dans ce film. » Donc, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il a vu comme truc? Oui, parce que le premier plan, monsieur Romère, il y a un cœur. Et le deuxième plan, ce cœur est rempli d'hommes. Et le deuxième cœur est rempli de femmes. Et on voit que là, vous aboutissez en quelque sorte à la déstructuration du masculin et du féminin. Pourquoi ce choix? Et Romère a répondu, je les ai pas mis dans le même cadre parce qu'il n'y avait pas la place. Voilà, c'est Romère, ça, je peux vous en sortir des centaines. Il ne parlait jamais théoriquement, il n'intellectualisait rien. Ce qui est bizarre, c'est de dire qu'il veut du naturalisme, alors que les gens, ça peut même taper sur les nerfs pour certaines personnes, d'entendre les gens travailler sur l'érotisation de la rétraction. Parce qu'en gros, il n'y a pas de sexe, mais on érotise la rétraction. Et ça, c'est vrai pour l'acteur aussi. Quand vous récitez le texte de Romère, vous sentez ça. Alors, Romère, contrairement à ce qu'on pense, à part le jeu nucléaire, tout est écrit de manière obsessionnelle. Il n'y a pas un changement, il n'y a pas un mot de changé. Les nuits de la pleine lune, Perceval le Gallois... Enfin, le rayon vert, il y a une scène d'improvisation. Une scène d'improvisation. Ouais. Et la première fois, effectivement, j'ai improvisé avec Briali. La première fois, en parlant des femmes, je devais dire des conneries. Mais Romère est un homme du dialogue. C'est étrange qu'il pense ça. D'autant que vous dites qu'il ne propose pas de théorie de son cinéma, mais là on vient de l'entendre et dans tous les extraits qu'on a diffusés cette semaine encore, il a un projet pour son cinéma, il dit que le cinéma doit atteindre la vérité, décalquer la vérité, voilà le but du cinéma. C'est un mot fort, vérité, pour quelqu'un qui n'a pas de théorie. Ouais. Il avait comme héros Jean Rouche, c'est un monsieur qu'on peut dire une sorte de Lévi-Strauss du cinéma, hein, Jean Rouche. Il va filmer les Africains, les tribus. Il avait une passion pour Jean Rouche. Mais il était très étrange, hein, parce que il aimait Brissot, le monsieur qui a eu des problèmes avec des femmes. Il aimait Pierre Zucca, qui était un cinéaste très très singulier. Mais je parlais jamais. Je peux vous dire une autre anecdote. Un jour, dans les nuits de la pleine lune, il y avait un acteur, je crois que c'était Che Kikario, qui arrête Romère au moment où on ne doit jamais l'arrêter, c'est-à-dire quand il a la théière et la tasse. Il faut jamais arrêter Romère quand il a la théière, parce que la théière, c'est l'érotisme, la tasse, c'est le lien, et l'objet, c'est la jeune femme. Car Romère aimait qu'une chose, les après-midi entiers, c'est d'amener du thé et d'offrir des gâteaux. Il y avait deux sortes de gâteaux. Il y avait les cadeaux pour inviter haut de gamme, et il y avait gâteaux pour inviter moyen. Bon, moi, à force d'y aller, je n'accédais pas tout le temps aux gâteaux haut de gamme. Mais de temps en temps, je disais Eric. Bon, et vous pouvez pas vous imaginer le côté merveilleux de cet homme, merveilleux de fantaisie, d'espièglerie. Il n'aimait que prendre rendez-vous avec les jeunes femmes, regarder les jambes d'Ariel Dombasle, mettre la main de manière très très homéopathique vers le genou. Et comme elles étaient toujours ravissantes, avec des jupes très courtes, il mettait la main et je criais comme un surmoi catholique « Éric !» Et il faisait « Vous avez raison, vous avez raison. » Et il adorait. Et donc il aimait vraiment les genoux. C'est pas juste pour le film. Ah, mais il aimait beaucoup. Il touchait pas, il concrétisait pas, il pratiquait pas. C'était pas un tracassé du périnée concret. C'était un homme qui érotisait le langage, le contact avec les jeunes femmes. Et toutes ces héroïnes, c'est une histoire d'amour avec l'immense Pascal Augier. Il a passé un an avec elle à aller faire des courses, acheter des théières, etc. Alors, pour que ce soit clair pour les auditeurs, il y a Le Genou de Claire en 1970, Perceval de Gallois en 1978, Les Nuits de la Pleine Lune en 1984, L'Arbre, le Maire et la Médiathèque en 1992. Ce sont les quatre films dans lesquels vous avez joué dans les films d'Éric Romère. On va commencer avec Le Genou de Claire, 1970, vous aviez 19 ans. Avec les filles, on peut être qu'amoureux. Avec les filles, il ne peut y avoir que des rapports physiques. En tout cas, s'il y a des rapports d'amitié, c'est après, parce que les rapports, les premiers, c'est des rapports après physiques. Après l'amour, on peut être ami avec une fille. Ben oui, parce qu'après, on tombe dans le domaine de l'absolu et c'est autre chose. On ne sait pas ce que c'est pour le moment. Avec Laura, par exemple. Non, mais Laura, c'est autre chose. Je ne suis pas du tout son genre. Son genre, c'est plutôt gros et puis en pleine forme et tout. Enfin, assez sportif. Et puis moi, c'est un peu le contraire. Non, je sais exactement quel est son genre de type, et puis moi j'ai pas envie de rentrer dans son histoire à elle, parce que moi j'aime bien plaire tout de suite, j'ai pas du tout envie de faire un processus pour faire la cour. Tu peux la séduire, elle peut te trouver. Non, je sens profondément qu'il y a aucune possibilité. Avec les filles, tu peux toujours être surpris. Bon, je sais pas, on sait jamais, elles sont un peu bizarres, les femmes, mais jusqu'à présent il y a rien. Avec Laura, t'entendais quoi, des rapports d'amour? Non, rapports camarades, hein, rien du tout. Comme ça, peut-être qu'il y a un tout petit peu d'amitié quand je la regarde, parce que j'aime bien faire un peu l'amour gentiment, comme ça, leur toucher le nez, tout ça, j'aime bien. Et là, tu mélanges un peu tout, quoi. Tu mets l'amour, l'amitié, la camaraderie. Non, mais je sais pas, avec elle, c'est vachement particulier. Faut pas l'écouter, il est dingue. Tu viens? Est-ce qu'elle est bien, l'eau? Elle est formidable, allez, viens. Je voudrais que les auditeurs puissent voir votre visage. Fabrice Lucchini, vous avez l'air ahuri. D'abord, on dirait une folle. On dirait un homo des années 70. Ce qui n'est pas grave, hein, d'ailleurs. Oui, ah, mais moi, non, moi, j'ai pas de problème, puisque j'ai vécu dans la coiffure. Mais on dirait vraiment une folle, hein. Puis pas une folle actuelle, sérieuse, qui veut des enfants et tout ça. Non, la folle, comme on les a connus au 7, à l'opéra. Je dis n'importe quoi. Je ne comprends même pas ce que je raconte. Ah oui? Mais je comprends rien. J'avais jamais fait le métier d'acteur. J'étais coiffeur au moment où il me demande de venir faire cette scène. Oui, mais vous lisiez, vous aviez justement. Ah bah j'avais déjà de la lecture, mais je dis des choses incohérentes. Je comprends pas. Je dis que c'est pas clair dans les propos. Et il l'a pris, vous voyez. Donc ça veut bien dire que c'est pas la vérité qui compte, c'est l'énergie. Il a aimé cette scène dans mon incohérence, mais les propos sont incohérents. En tout cas, les propos sont tout à fait romériens. C'est un thème qu'on va retrouver dans tout le cinéma de Romère. La différence entre les hommes et les femmes, la différence entre l'amour, quel bon lapsus, et l'amitié, et la séduction, en fait, qu'il y a sans cesse entre les deux. Je pense que Romère pense que les femmes sont exceptionnellement vivantes et énigmatiques et drôles, et les hommes un peu rasoirs et très très bêtes. Et d'ailleurs, vous savez, je n'avais aucune conversation, on ne parlait que d'auteurs, mais j'étais à cette époque-là très obsessionnel de la relation amoureuse, l'érotisation, la femme, comme je dis tous les soirs au théâtre, les femmes jouissent d'abord par l'oreille, alors évidemment les gens comprennent pas, je dis pas qu'elles hurlent, mais les femmes jouissent par l'oreille, c'est Duras qui l'a écrit, les femmes jouissent par l'oreille, ça les gens comprennent pas. C'est un des effets les plus forts de mon film, parce que je dis, si tu es venu dans cette pièce de théâtre en croyant que t'auras une petite récompense à la maison, mais non, c'est pas comme ça ici. Ici, c'est l'érotisation du langage. Donc elles jouissent, les femmes jouissent par l'oreille d'abord. Et Romère était un homme qui ne se sentait bien qu'avec des femmes ou avec des personnalités un peu exceptionnelles. Homme comme femme d'ailleurs, pour oui. le coup. Mais il était quand même entouré de jeunes filles. Une fois d'ailleurs, j'ai fait un lapsus, parce que je sais qu'il y a eu un problème avec le frère. J'ai dit... Le frère de qui? De Romère. Ben, Monsieur Scheller, qui était plutôt pour jeune garçon. Mmh. Et un jour, c'est une manière de vous inviter à raconter, oui, parce qu'il était, il a été accusé de pédophilie. Voilà. Et alors, je lui dis, vous êtes très proustérique. Alors, il disait, oui, mais du côté de Allons, mon petit jeune fille en fleurs. Pas du tout, ça, de Mégomar. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Vous savez, il parlait comme ça. Hein. Je suis très content de vous voir, Fabrice. Je crois que... Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, on disait rien, hein, on était complètement sidérés. Mais un jour, j'ai une autre anecdote, je vais la faire vite. Vous savez, Perceval, vous imaginez, c'était le bonheur pour moi, parce que ça a l'air de rien, mais votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé. Ça, c'est une jeune fille qui parle à Perceval. Hein. Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé et chut en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères, moulbot aviez, quand chevaliers adoubés furent, le jour même au combat moururent. Du deuil des fils mourut le père, et j'ai eu une vie moult amère. Et ça, ça durait 2h20. Vous le connaissez encore par cœur? Ah oui, par cœur. Et je disais à Romère, pour bien épuiser le texte, il faut le faire sur tous les tons, Eric, vous comprenez? Car j'ouvais, parce que entre ces deux films, les grands agents Armédia m'avaient dit, vous avez la chance de jouer avec le pape de la Cinémathèque et de la Nouvelle Vague. Donc il faut que vous appreniez votre métier, vous avez un physique pas facile, vous êtes un grand, on ne sait pas si vous êtes un homme et une femme, ou une femme. Alors après j'ai eu la révélation comme Sainte Thérèse d'Avila, je me suis retrouvé chez le plus grand professeur du XXe siècle. Après Jouvet, je me suis retrouvé chez Cochet. Et j'ai énormément travaillé, mon obsession des textes a commencé là. Et quand il m'a... Travaillé la diction? En plus que ça, ouais. Respiration d'un texte, dépersonnalisation, qu'est-ce qu'un rythme, qu'est-ce que Corneille, qu'est-ce que Racine, la diction que nécessite Molière, tout ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que demande Rimbaud par rapport à Verlaine? Et cette obsession de fréquenter les textes et d'essayer de les restituer, qui est le secret suprême de mon petit geste de travail d'artisan. Et Romère me donne ce texte, qui est quand même une adaptation remarquable de ce texte que personne n'avait compris, puisque... Le chrétien de Troyes. Le chrétien de Troyes, ça donnait des mots incompréhensibles. Hein. Si jamais je distingue des trucs, on se croyait dans un pays d'oc, tu vois ce que je veux dire. Et il a traduit ça admirablement. Et moi, il me disait, comment vous travaillez? Expliquez aux jeunes comédiennes comment vous travaillez. Ben, je dis, voyez, par exemple, je peux le faire en pied noir. Votre père, si vous savez, fut à la jambe un jour blessé, je suis en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères, moulbot aviez, quand chevaliers adoubés furent le jour même au combat moururent. Du deuil des fils. Après, on peut le faire comme Fanny Ardant. Du deuil, ou comme Frédéric Mitterrand. Du deuil des fils, mourut le père, et j'ai une vie, moult amère. Tout ça pour épuiser, en réalité, et pour arriver à cette merveilleuse restitution qui est, vous pleurez, sa mère lui dit ne partez pas, et il dit, vous pleurez, et ben moi je vais manger. Je m'en irai moule volontiers au roi qui fait les chevaliers. Je m'en irai quoi qu'on en ait. Et 3 jours plus tard, le valet quittait le manoir de sa mère. Et on voyait, et le chevalier sans nul arrêt, va chevauchant par la forêt, car on les forêts solides. Et on voyait des centaines de gens qui se barraient, par grappes. Les gens pas adaptés du tout, à part quelques grands merveilleux profs de français. De la salle du cinéma, vous voulez dire, la projection. On avait commencé à 1000, on a terminé à 83. Il y avait 1000 personnes qui étaient parties pendant « Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt, car en les forêts solitaires, plus s'y connaît qu'en plate terre. » Voici donc Perceval de Gallois, 1978. En ce qui concerne Fabrice, il est certain que il a eu cette chose extraordinaire, c'est que il peut, à lui seul, assurer la bande son du film. Je suis messager du roi, qui vous mande, et vous prie par moi que vous veniez parler à lui. Il en est venu deux ici, qui eussent voulu m'emmener, comme s'ils fussent prisonniers. Tandis que tout pensive j'étais, d'une pensée qui me plaisait. Il était 3 gouttes de sang qui scintillaient là, sur le blanc. À les regarder, je croyais que le visage je voyais de mon ami. Quel est votre nom ? Perceval, sire. Et le dîner fut bon petit, mais pris de mon grand appétit. Personnellement, je ne dis pas que j'aime les films roses, mais enfin, disons que Perceval est un film clair, c'est un film doré, enfin, c'est pas un film sombre, ça je crois que c'est très important, et c'est pourquoi il fallait qu'il y ait là des gens qui soient très beaux. J'étais persuadé que j'étais laid, et ça c'est une chose qui m'a complètement amoindri, oppressé dans mon existence, et on m'a donné le rôle d'un chevalier qui était beau, et alors je me suis regardé dans la glace. Je me suis laissé pousser les cheveux et je me suis dit peut-être, c'est possible. Et puis plus on avançait dans le travail et plus je sentais une lumière qui commençait à me... Et plus les succès féminins s'affirmaient, plus mon être s'est transformé. Alors ça a été très important de voir que la beauté, c'est pas uniquement ce qu'on nous a rabâché, cette espèce de convention, mais c'est possible, Fabrice Luchini, c'est possible, il est beau. C'était une petite intervention. Oh là là, c'était avec Pierre-André Boutan, mais là j'ai 18 ans. 27 ans, Fabrice J'ai 27 Luchini. Ans, dis donc, on sent Mais c'est bouleversant ce que vous dites quand, dans le métier d'acteur, que quand on vous confie le rôle de quelqu'un qui est beau, alors on ne peut pas ne pas se sentir beau. Comme si c'était le métier qui vous faisait découvrir votre propre identité. Quand je vous ai dit qu'il m'avait nommé, il m'avait donc construit, comme dit Barthes, il m'avait construit, il m'avait structuré, et j'ai été construit en vérité. Qu'est-ce que le rapport amoureux ? L'autre me construit en vérité. Mmh. Il voit c'est ce une que dit partie. Barthes dans les fragments d'un voilà. discours amoureux. Ouais. Mais sur le rapport à votre propre corps, c'est comme si là, c'est la caméra elle-même qui pouvait vous déranger dès lors qu'elle vous filme, tandis que vous jouez quelqu'un d'autre. C'est sur vous-même que vous apprenez. C'est quand même un jeu qui est très bizarre, ce métier d'acteur avec Romer. C'était très impressionnant parce que beaucoup de gens voulaient prendre ce rôle et il n'a jamais changé d'avis. Il voulait que ça soit moi. Pour une raison bizarre, il était inspiré par Charles, le mari de Diana, qui avait l'air un peu con et un peu bébête. Et il disait, il faut que je trouve un acteur. Vous savez, Perceval, c'est celui qui a tort aux yeux des hommes et raison aux yeux de Dieu. Perceval, ça veut dire à travers le Val. C'est celui qui est un idiot pour les êtres humains, mais pour le Christ, il est la lumière. Donc c'était un rôle de quelqu'un avec une grande dose de naïveté et d'inadaptation. Je dirais pas quittonienne, parce que ce serait trop prétentieux. Mais quand on vous donne un rôle comme ça, même si ça a été un bide... Dernière anecdote... Le film fait un bide immense. Je suis pendant 3 ans dans l'absolu désert. Il n'y a plus une proposition. Et c'était plus que pas de proposition. Quand des pauvres agents disaient « Si on vous envoyait Monsieur Luchini, non, non, on l'a vu ! On l'a vu ! Non, pas lui, pas lui !» Donc tous les castings étaient fermés. Tout, je n'avais plus de boulot. Donc je suis redevenu coursier et coiffeur pour dames à domicile. J'avais progressé en fonction et j'avais ma petite brosse et j'allais coiffer des bourgeoises pour le brushing. C'était très érotique. Certains soirs même... Il y avait des débordements vu la bombe sexuelle que j'étais devenu après Romer. Mais je plaisante. Donc, Romer a été très affecté, très, très... C'était une douleur, une souffrance. Et 20 ans plus tard, il était vivant, je fais un spectacle sur Paul Valéry, sur Roland Barthes et sur ma vie qui passe par le palace et Roland Barthes. Et car Roland Barthes a compté dans ma vie par rapport à Romère. J'ai le temps de le raconter rapidement. Roland Barthes a adoré Perceval, mais il l'a adoré d'une manière qui n'a pas plu à Romère. Parce que Roland Barthes a dit « J'ai été voir Perceval, ce sens du haïku, ce vouloir du rangement, cette possibilité du rangement, de la possibilité de la langue, ce frémissement de la langue, cette volonté de la jouissance de la langue. Malheureusement, j'ai été chagriné par les rires moqueurs. Passe encore qu'on rit sur Pucelle, mais quand le personnage dit « Il vous baisa, sire, c'est vrai, il me baisa ». Voilà. Et tous les gens ont ri. Mais Romère, ça le dérangeait pas. Mais moi, j'ai été voir Roland Barthes en sortant d'une nuit jusqu'à 9h du matin à Saturday Night Fever où je dansais avec les héroïnes de cette époque dans les années 80, je sais pas quoi. Donc, j'arrive chez un immense endroit où il y a 1000 personnes. Et je vois une star, un peu comme un Freud, un peu comme un Jung qui rentre en tweed sublime, avec une voix sublime. Et je vois 1000 personnes et je l'entends dire « Aujourd'hui, c'est le concept du « c'est ça », le concept du temps qu'il fait. » Et je vois 1000 personnes écrire « Aujourd'hui, c'est le concept du « c'est ça », le concept du temps qu'il fait. Je dis, mais c'est des dingues. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça, le concept du temps qu'il fait. Le cours se termine, il y a plein de femmes, des philosophes, il y a des désespérés abonnés à Télérama, il y a des sexy parce qu'elles arrivent de la boîte, parce que c'était tellement dément, Barthes, à cette époque-là, qu'il y avait des drogués, des jeunes filles, des universitaires effrayantes, il y avait tout, il y a des femmes merveilleuses, des hommes, t'as. Et je m'approche du bureau comme si je m'approchais de Freud. Et j'attends, on sent qu'il y a plein de psychiatres qui remercient le maître, qui partait une heure après un week-end, c'est pour ça qu'il était en tweed. Et je dis, monsieur Roland Barthes, je suis très heureux que vous ayez écrit du bien de Perceval. Oui, je crois que l'époque n'a pas compris Perceval. Oui, eh bien c'est moi Perceval, monsieur Roland Barthes. C'est vous Perceval? Oui, monsieur Barthes. Et là, je m'en rappellerai toute ma vie. J'aimerais énormément en parler avec vous. Quel est votre rapport au téléphone? Et là, je me disais, je ne vais pas lui dire « Moyen, Roland, moyen !» Il n'y avait pas de portable, heureusement. Je dis ben, « J'ai un bon rapport. » Et nous avons une liaison très courte où j'ai été chez Roland Barthes avec un petit flirt. Moi, ce n'était pas ma... J'étais pas du tout pour garçon, donc ça n'a pas pu se prolonger. Et j'ai une dernière anecdote. Je passais des après-midi avec Roland Barthes. Et puis un jour, j'ai dit, vous savez ce qu'il y a de génial chez vous, ce qui est impressionnant, Roland. Il m'a dit quoi? Je parlais de Flaubert, ma passion pour Flaubert, pour Céline. Et il me dit, je lui dis, ce qui est impressionnant, c'est dans votre entrée, vous avez un béret. Il me dit quoi? Je dis, oui, vous avez un béret. J'ai vu dans l'entrée. Je voudrais que vous le regardiez avec moi pour, comme dirait Rimbaud, le revisiter. Barthes se lève, il regarde le béret, et je dis, c'est génial, vous comprenez? Vous êtes associé à la déstructuration, à la sémiologie, vous êtes associé à l'analyse déstructuraliste, structuraliste, vous êtes dément, vous avez écrit Fragments du désir amoureux, Le plaisir du texte, vous avez, sur Racine, vous avez écrit, et vous avez un béret! Et Barthes, pour la première fois, a été pris en flag de trafic associatif. Il m'a regardé, il m'a dit, mais je suis basque. Et pour moi, je l'ai beaucoup joué au théâtre. C'est une merveille. Mais il y a beaucoup de liens entre Barthes et Romère, d'ailleurs. C'est Barthes qui dit le langage est une peau. Sur l'érotisation du langage, les deux seraient meilleurs amis. Ils se connaissaient bien. Oui, mais ils se connaissaient très très bien. Et ils le connaissaient très très bien. Ils avaient fait même des écoles ensemble. Une école, je crois, le CAPES ou le je sais pas, des trucs de grands littéraires. On passe aux Nuits de la pleine lune. Ah oui. 1984, vous avez 33 ans, Fabrice Lucchini. Je comprends que t'aies envie de séduire. Trompe ton mec si ça te chante, mais pas avec des gens pires que lui. Pourquoi pas avec moi? Oh, écoute, recommence pas, mais qu'est-ce qui te prend? Non, je suis tout à fait sensé. Ça irait beaucoup mieux entre nous. Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, la preuve. Ça me guérirait de la jalousie frénétique que j'éprouve à cet instant même. C'est intolérable que tu accordes à d'autres ce que tu refuses à moi. Si j'avais couché avec toi, je supporterais beaucoup mieux la situation d'aujourd'hui. Je ne peux pas admettre qu'une part de toi m'échappe tout à fait. Mais t'as le reste, et il est mille fois plus important. C'est qu'une toute petite part. Non, c'est pas une toute petite part. C'est une très très grande part. L'amour physique, ça engage totalement. D'accord, mais je suis engagée avec toi d'une autre façon. C'est mieux. On peut pas tout mélanger, hein? Tu aimes mes caresses, à vous. Comme celle d'un ami, oui. D'un ami tendre? C'est peut-être un peu prétentieux, mais je sais que je te plais. Mais bien sûr. Physiquement? D'une certaine façon. J'aime pas les gens laids. Tu me trouves beau? D'une certaine façon. Cruauté absolue de ce « d'une certaine façon », non? Mais c'est merveilleux. C'est Pascal Augier qui vous donnait la réplique. Bien sûr. Ce film. Mais voyez, c'était encore c'était traumatisant. Heureusement qu'après, on m'a donné des rôles sexués. Parce que Romer... Mais c'est pas chez Romer, oui, que vous entretenez des rôles sexués. Il entretenait encore que j'étais le confident pas désiré. Hein. Mais tout était totalement écrit. Tout est écrit, rien n'est inventé. Il fallait faire passer ce dialogue... vous savez qu'on était 5 sur le plateau. Il avait une maquilleuse qui s'appelait Geneviève, il avait Renato Berta, un assistant, un monsieur du son et les deux acteurs. On était 6 en tout et pour tout. Et Jackie Cario par moment. Et par moment, ouais. Mais quand Jackie Cario était là, Oui, c'est ça, voilà, c'est l'un ou l'autre évidemment. Mais ce personnage d'Octave, vous l'aimez? Je lui dois tout puisque je voudrais pas apparaître obsédé par mon problème, mais comme disait Barthes, quand on est près d'un acteur, on a peur. Et comme les acteurs vivent dans la peur, ils sont souvent très vite égocentrés. Je voudrais pas du tout. Mais je le fais très rapidement. Je ne peux qu'adorer Les Nuits de la Pleine Lune, puisque ça a été un vrai succès en 85, je crois qu'il est sorti. Et il m'a libéré, parce que vous savez, la loi du marché, enfin la... réalité de ce métier, c'est que vous n'existez que si vous faites en quelque sorte des entrées. Et avant, entre 68 et 85, je ne pouvais pas me considérer comme acteur parce que les films dans lesquels j'étais étaient des films intellectuels, un peu ambitieux, et ils ne marchaient pas. Donc je lui dois un succès et je lui dois... Vous êtes nommé d'ailleurs, non, pour le César meilleur et second rôle. Et je pense en plus qu'il a complètement élargi, car je pense que si La Discrète, en 1990, a eu un effet si grand dans ma vie, c'était totalement inspiré quand même de Romer. Et vous savez, j'ai sorti à Cannes un film de Nicolas Pariser qui s'appelle « Alice et le maire », et qui est un film absolument remarquable, qui a eu beaucoup de succès à Cannes, et c'est un disciple de Romer, un disciple de Guitry, un disciple de Pagnol. Les Nuits de la Pleine Lune, pour moi, c'est un miracle de bonheur d'être avec lui. Vous savez, on était très très proches, extrêmement proches. Et après, et puis... 300 000 entrées quand même pour un film, de Romer. Pour un film où on parle comme ça, ouais. C'est-à-dire un film où on concrétise pas, quoi. Et ça, c'est sûr. Alors ça, dans les films de Romer, c'est ce qu'on disait rapidement, c'est qu'il n'y a jamais de... Enfin, l'érotisation n'entraîne pas forcément, enfin même jamais, une sexualisation. Il n'y a jamais de sexe. Il n'y a jamais de sexe, mais il n'y a pas de perversion, par exemple. Il y a une lettre de Céline qui m'intéresse beaucoup. Céline dit, je vous la fais courte, il dit je suis français dans le sens que toutes ces espèces de trucs d'instinct de reproduction m'ont toujours semblé de parfaite furie. J'ai vécu toute ma vie dans Priap, soit macro, soit mécène, toujours à la rigolade. Le tragique du cul ne m'apparaît point, sauf pour les maladies et les grossesses. À part ça, je lui donne, comme Lénine, l'importance d'un très précieux stimulant biologique. Dépourvu de tout sadisme, de tout masochisme, et de toute prétention. J'aime que les femmes soient belles, qu'elles se régalent entre elles, mais qu'elles ne m'inquiètent pas avec leurs appels. Consommateur, et c'est là où Céline est un génie, consommateur, oui, mais très discret. Voilà. Et ben, ça pourrait être Romer, toi. Consommateur, mais très discret. Comme s'il y avait un lien entre la langue et la sexualité. Ah, comme si plus on investissait l'un, il fallait désinvestir l'autre. Tu sais, plus tu parles... plus tu connais, moins tu désires, organiquement. Le sexe, c'est l'attirance libidinale, c'est l'incroyable ignorance des autres. Quand tu connais l'autre, ça ne peut plus passer par le périnée. Plus tu connais, moins tu as envie de conquérir de cette manière archaïque. En gros, plus on les gens sont très inquiets parce qu'ils font moins l'amour. Ils ont tort, rassurez-vous, c'est hyper bon signe. C'est l'horreur moderne qui vous fait croire qu'il faut emmener votre femme de 76 ans avec une robe hawaïenne pour qu'elle chante « Oh, sous les tropiques » et ça. Ça, c'est la modernité, c'est l'immondice. Plus vous aimez une femme, moins vous couchez avec elle. Plus vous couchez avec elle, moins vous la connaissez. Car quand vous la connaissez dans le miracle de l'altérité, vous ne pouvez que connaître ses nuances. Et il y a du désir encore, mais pas brutal, pas violent. Et je me lance dans cette thèse. Voilà le genre de choses que Romer adorait quand je me lançais dans des thèses plus ou moins. Et vous pensez que ça marche dans les deux cas? Vous dites, là, vous parlez du point de vue d'un homme envers sa femme. Moins on se connaît, moins plus on a envie. Et, ouais. Et là, je pense comme Freud, plus on est angoissé, plus on a envie de tirer. Quand on va mieux, on a beaucoup moins envie de faire l'amour. Faire l'amour, c'est quand... C'est un symptôme, en fait, vous dites faire l'amour. L'angoisse sécrète l'érotisation. Quand tu es moins angoissé, soit par antidépresseur, soit par une vie plus calme, eh bien, il y a un côté plus calme. Moins tu connais, moi je peux vraiment témoigner, les plus grosses libidos, faut pas non plus exagérer, hein, je suis pas, mais mes plus grosses libidos ont été sur des personnes que je ne comprenais pas. Et plus je les comprenais pas, plus je pensais qu'en descendant par là-bas, dans le continent noir, plus j'allais dans cette chose merveilleuse qui est le sexe féminin. Mais quand je me suis mis à comprendre certaines personnes, alors les choses se calment. Auditeurs de France Culture, vous qui êtes les plus élaborés, les plus raffinés du paysage français, ne vous inquiétez pas s'il y a une baisse de libido. La baisse de libido est la preuve que vous vous comprenez avec votre conjoint. Ne culpabilisez pas. Vous êtes entendu, Fabrice Lucchini. L'arbre, le maire et la médiathèque, alors un titre anti-libidineux au possible, c'est 1992, vous avez 41 ans. Que c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte? Comment ose-t-on y toucher, je veux dire? C'est pas une œuvre d'art. Si, si, un site est une œuvre d'art. Peut-être pas autrefois, quand des paysages plus sublimes les uns que les autres naissaient à chaque détour du chemin, mais maintenant qu'ils se font rares, il faut les conserver tous. Je dis bien tous. Tu vois ce paysage ici avec le pré, le ruisseau, l'arbre, le village, l'église au fond? C'est à la fois l'œuvre de la nature et celle de l'homme. Et ceux qui ont délimité ce terrain, bâti ces maisons, planté cet arbre, même si leurs noms ne sont pas dans le dictionnaire, ce sont des artistes. Les paysans autrefois étaient des artistes. Beaucoup plus artistes que monsieur l'architecte DPLG. Mais même si cet arbre reste, comme je l'espère, il est vieux, on sera obligé de l'abattre un jour. Eh bien, un autre le remplacera. Si on faisait comme autrefois, on prévoirait de planter des arbres à l'avance pour les générations futures. Et comme dans les fables de La Fontaine. Un octogénaire plantait, passe encore de planter, mais bâtir à cet âge. C'est le contraire. Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge. C'est vous qui rajoutez la référence à La Fontaine? Oui, là, c'est un peu d'impro toute courte sur La Fontaine. Quelle prophétie, quel génie. Quel génie, Éric Rohmer. Il met tout en scène. La débilité des médiathèques. Bon, moi, je joue le prof. Je joue un prof, hein, de lettres. C'est ça, un instituteur. Hein. Oui. Ariel Dombal joue une merveilleuse bourgeoise qui adore les vaches et les marguerites, hein, les veaux et tout ça. Oui. Et Pascal Grégory joue un responsable socialiste. Et Clémentine Amouroux, qu'on a entendu, Blandine Lenoir. C'est extraordinaire. Il met tout en scène. Il a prophétisé tout. C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai présenté à la Cinémathèque. Vous imaginez qu'en 92, il scénarise la débilité des médiathèques dans toutes les villes, alors qu'une petite bibliothèque, c'est parfait. Parce que l'enjeu, c'est que pour faire construire la médiathèque dans son village, le maire doit abattre un arbre. Et donc, vous qui jouez l'instituteur, arrivez en disant, il vaut mieux maintenir l'arbre, car c'est un paysage, donc une œuvre d'art, que de faire construire une médiathèque. Oui. Il y a une opposition art-culture, là. Et là, à mon avis, le personnage qu'il aime, c'est mon rôle, hein. Et je suis le représentant. Les arbres sur la médiathèque. Oh ben oui, parce que le socialiste joué par Pascal Grégory remarquablement bien, avec la casquette, Cantonman Farmer, socialiste tendance pas Mélenchon, hein, socialiste tendance sympa. J'ai adoré, vous savez qu'on a fait ça totalement gratuitement, et d'ailleurs on a très bien gagné notre vie. Vous n'avez pas été payé? On a été payé après, mais je crois qu'il a fait ce film pour l'équivalent de 15 000 €. 15 000 €. Un mois et demi. C'était génial parce que c'est mon côté scorpion, je veux toujours raconter les anecdotes négatives. Éric Rohmer, n'aimait pas nous faire de la viande. Comme il était responsable de la cantine aussi, je disais, Eric, moi j'aimerais bien quand même, je suis inquiet, j'aimerais bien manger un peu de viande. Bon, ben vous en mangerez, mais mangez des haricots verts. Je dis, oui, mais les haricots verts, tous les jours, ça me rase un peu. Bon, ben j'irai vous en acheter. Alors, il est végétarien. Lui est végétarien. Lui est très végétarien et il nous filait des ampoules de soufre. On n'arrêtait pas de prendre des trucs, tu sais, cette mode à la. Des trucs à uranium, soufre, acier, fer. Et on buvait ça, je sais pas. Mon personnage était Eric Rohmer. Tout est merveilleux. Rohmer, vous savez que Rohmer est. Vous allez raconter l'anecdote maléfique que vous disiez. Maléfique. Il a acheté de la viande. Il a acheté de la viande, mais de mauvaise humeur, parce que il avait un rapport rétracté à l'argent. Vous savez, certaines fois, dans La Femme de l'Aviateur, je fais une apparition, où je rentre dans un autobus, où je vois Marie Rivière, et je dis, ton mari, il fait quoi? Et alors, il me cantonnait toujours dans le rôle d'humain qui tâtonne pour tirer un coup, mais un peu bas de gamme. Je rentre dans l'autobus. Alors, comme on tournait en réalité à la Godard, je lui disais, Eric, achetez plusieurs tickets de métro parce que le temps de prendre votre carte orange, le temps que ça se démagnétise, on va perdre du temps, on va perdre 3 bus. Ben, il préférait qu'on attende 3 bus pour qu'on garde la même carte. Non, mais c'est extraordinaire. Et ce film, quand je l'ai revu à la Cinémathèque, je me suis dit, c'est hallucinant. C'était extraordinaire. Toute la prophétie de l'écologie, toute la prophétie de la débilité de la société. Il n'y a pas besoin de médiathèque. Il y a juste besoin d'une toute petite bibliothèque avec tous les livres. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. Cet égo de toutes les villes de France qui veulent avoir tous des festivals, tous des médiathèques. Mais c'est parce qu'on valorise la culture et ce que le film montre très bien, c'est que parfois, tout investir dans la culture, c'est nuire à la nature. C'est que l'opposition est débile, en fait. C'est ça que dit le film. Un jour, on m'avait posé la question, si j'étais président de la République, je trouvais la question débile. Mais j'avais dit, moi, ça coûterait très peu cher, vous savez. J'offre 50 livres à tous les Français. Il y aura Flaubert, il y aura Proust, évidemment. Il y aura Cervantes, il y aura Rabelais, il y aura Céline, évidemment. Il y aura... Bon, allez, 40. J'ai fait le calcul. Hein. J'envoie 60 DVD fondateurs qui structurent un être. C'est suffisant pour l'éternité. Eh bien, il n'y avait pas besoin de médiathèque. Mais là, on vous reproche votre aristocratie, votre snobisme intellectuel. C'est que seuls certains peuvent être lus, alors quid de tous les autres livres qui ont été écrits, on s'en fiche, on les lit pas. Oui, mais comme dirait Guitry, quand on me parle d'une femme cultivée, j'ai l'impression qu'il y a du persil qui sort de son nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne comprenait pas ce que voulait dire une femme ou un homme cultivé. Il a l'impression qu'il y avait du persil qui allait. Non, mais si je vous suivais, moi j'aurais fait 5 émissions dans ma vie et ce serait fini. Vous auriez fait 5 émissions parce que la culture... Enfin, sur 5 auteurs. Après, chaque semaine, je pourrais revenir sur les mêmes. Mais voilà. 50, vous dites. Bon, ça fait un an. Je donne 50, donc 50 émissions. Sans aucune méchanceté, il n'y a pas de nécessité. Vous savez, la grande question. Vous croyez qu'il y a un Rimbaud? Oui, vous êtes un réa qui... J'ai du mal à en trouver. En tout cas, j'ai du mal à trouver l'acuité géniale de Proust. J'ai du mal à trouver le génie stylistique de Flaubert. J'ai du mal à trouver quelqu'un qui renouvellerait Céline. Peut-être ça existe, hein. Mais moi, comme je suis un vieux con réac et conservateur, je me nourris d'abord de cela et après, on verra. Mais je pense pas que ce mot culture, qui est vraiment le pire mot de valise, je finis un livre là de Léoto, qui est vraiment un personnage odieux, antipathique, monstrueux. Mais au moins, je vais vous dire un mot. Je connais des gens qui, pendant 30 ans, vont tous les soirs au théâtre. Et 30 ans qui vont à côté de gens très intelligents, Jean-Gilles Deleuze, etc. Et au bout de 30 ans, ils sont toujours aussi cons. Ne croyez pas que ça fait des miracles. Ça n'est pas fait pour ça. Ça n'est pas fait pour ça. Arrêtons de penser que l'accès à la culture métamorphoserait. Vous savez, quand Martine Aubry voulait une société où les gens puissent aller à des centaines d'expositions, alors il y a, dans le journal merveilleux de Mathieu Gallet, une réflexion qui résume tout. Il y a Mathieu Gallet qui était vraiment un homme de gauche, un homme génial, avec vraiment un journal merveilleux. Il y a 2 femmes qui regardent un nu de Courbet. Et une femme dit, au fait, je t'ai pas dit, mais je me suis inscrit en thalasso. Et Mathieu Gallet dit, dans ce au fait, il y a tout le problème et l'énigme de la culture. Il voit... Vous parlez de l'ancien PDG de Radio France, hein ? Non, Mathieu Gallet. Mais justement. Alors, je me trompe. Mais non, le cas du journal. Mathieu Gallet, l'autre. Ah, c'est pas votre génération. Alors, c'est un journaliste de l'Express. Avec voilà. AY. Avec AY, mais qui a été essentiel, qui était plus important que Jean-Louis Borry. Vous imaginez la vanité idiote que nous avons tous. On ne sait même pas, même vous, qui est quand même une incarnation du savoir, et comme dit Roland Barthes, votre talent, c'est très peu de savoir et beaucoup de saveur. Ça, c'est la phrase que j'aime le plus chez Barthes. Hein. Il disait toujours, il m'a appris deux choses, Barthes. Il m'a dit, accordez-moi, Fabrice, le droit de ne pas avoir d'opinion. Parce que je lui posais tellement de questions. Et il m'a appris très peu de savoir et beaucoup de saveur, ce que vous incarnez et ce que France Culture incarne. On va se quitter, on a deux derniers sons à vous faire écouter, Fabrice Luchini. Ce sont des chansons, la première et celle d'un homme, je ne sais pas si vous saviez qu'il chantait, un homme que vous tenez en très haute estime, peut-être plus même que Romer. Le voici. Je te trouverai charogne un vilain soir, je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chant. Tu verras, c'est une belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, Fabrice? Céline. Mais voici tant d'enfance et son petit Léon. Voici Clémentine. Céline chantait, donc. Oui. Faut-il dire à ses potes que la fête est... Il y a un lien entre Céline et Romer ? Au diable, telle sorte qu'un physique de gens très maigres, mais il n'y a rien à voir. Non, il n'y a rien à voir. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va prolonger l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Mandé. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Mandé. Mais voici tant d'enfance et son petit Léon. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, cardoffe m'importe, au malfrat écrasse que le vent emporte, feuille morte, souci. Et la deuxième? Alors la deuxième, vous avez le choix. On a soit une chanson que vous avez faite en duo. Oui, j'aime beaucoup celle-là. Avec Clio, Éric Rohmer est mort. Et bien, parce que c'est bouleversant que la génération de cette jeune fille ait eu envie de faire « Éric Rohmer est mort ». C'est celle-là, j'aimerais beaucoup l'écouter. Ben on l'écoute ? Avec plaisir. La voici. Éric Rohmer est mort. Ça, c'est bouleversant, une fille de. Une fois de jeune fille. De ses amoureux dans le train de banlieue. Éric Rohmer est mort. Plus fort. Et moi, j'en veux encore des pas. C'est génial de terminer par ça. Où l'on se tient la main. Mais elle vous a contacté pour faire le duo oui, avec elle. Je l'ai fait gratos. Sympa. De la voix de Marie Rivière. Des rendez-vous, des rendez-vous dans les cafés. Dans les cafés. Du nombril d'Aïdée, de ses profs de philo, des gens qui lisent dans le métro. J'ai oublié de vous dire que dans mon spectacle, pour mettre en comique le drame de Perceval, il m'avait écrit une lettre merveilleuse, Romer. Que ce qui manquait à Perceval, je l'avais réussi dans mon spectacle. L'hurlement de rire et le comique. Il m'a écrit une lettre, il aurait pu le prendre mal, puisque... Bah, ouais. On a la voix d'Éric Rohmer qui dit que vous savez rendre drôle un texte. Vous voulez l'entendre ? Ce sera le tout dernier son. J'ai essayé parfois d'introduire des textes qui sont vraiment des textes de comédie. Et je me suis aperçu que ce n'était pas mon fort et que ce dont je suis capable, c'est d'écrire un texte sans y apporter une nuance comique particulière, un texte tout à fait vraisemblable et sans aucune exagération comique. Et à ce moment-là, il peut servir de plateforme à une interprétation comique. Enfin, si je prends tous les acteurs, et non seulement Fabrice, mais Pascal, il est certain qu'ils ont une façon de dire certaines phrases qui les rendent drôles, alors que sur le papier, elles ne sont pas nécessairement. Le comique est dans le jeu, en fait, c'est ça, chez Romer. Oui, en tout cas, il était complètement dans la jouissance. Hein. Ce sera le dernier mot, c'est beau de finir avec la jouissance. Mmh. Merci Fabrice Lucchini d'être venu nous parler de Romer ce matin. Et puis si les gens aiment Romer, il y a un merveilleux film sur un homme qui n'a plus d'idées, qui s'appelle Alice et le maire et qui va convoquer une philosophe. Ça, à mon avis, ça devrait vous plaire. Bien, et moi j'en profite pour ajouter, conseiller la lecture de votre livre Comédie Française, ça est débuté comme ça, on y apprend beaucoup de choses que vous n'avez pas dites aujourd'hui et on rit beaucoup. Merci Fabrice Lucchini, à bientôt. À bientôt. Éric Romer est mort, et moi j'en veux encore. Des chambres d'étudiants, des grands appartements, de toutes les bibliothèques, de Charlotte et son steak, des cols roulés beige, de Nevers sous la neige. Des filles brunes et bouclées qui préfèrent les hommes plus âgés. Éric Romer est mort, et moi j'en veux encore. Il y a sur l'étagère au rayon Éric Romer une trentaine d'orphelins qui attendent le prochain. Une trentaine d'orphelins qui attendent le prochain. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Bosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. C'est incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. C'est vendredi, et vendredi, c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie. Quoi de mieux en cette période où on fait le bilan, où on prend de bonnes résolutions, que de revenir sur une expression tant et tant employée, une injonction de développement personnel qui nous plonge au cœur de nos désirs, un appel à s'accomplir, qu'on agrémente volontiers de Spinoza ou de Freud, ou dans un tout autre genre de Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes rêves. Aller au bout de ses rêves, on l'entend tellement cette expression qu'à force on ne se pose même plus la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller au bout de ses rêves? Certains parlent de réaliser ses rêves, d'autres ajoutent qu'il s'agit de rêves d'enfants, pour être plus précis. Au final, c'est toujours la même chose, toute une littérature promet de nous aider à aller jusqu'au bout pour réaliser nos rêves d'enfants. Mais pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi ce projet est-il séduisant, désirable? Pourquoi nous rassure-t-il ou nous enchante-t-il? C'est une question que je me suis souvent posée. Que veulent dire les personnes qui promeuvent pour eux ou pour les autres un tel projet de réaliser ses rêves ? Alors c'est vrai, cette phrase « va au bout de tes rêves » sonne comme une promesse, comme si elle contenait la clé d'un bonheur assuré, authentique. Mais pourquoi ? Pourquoi retrouver en nous des rêves enfouis, les identifier, les ériger en but et les atteindre par tous les moyens, psychiques ou matériels, serait-il une promesse de bonheur ? Alors c'est vrai qu'on y trouve dans cette phrase le présupposé suivant « si nous allons mal, c'est parce que nous aurions perdu de vue ces rêves et par là même une partie de nous-mêmes et si nous voulons aller mieux, il faudrait tout simplement tenter de les réaliser. » Mais pourquoi le bonheur serait-il contenu là, dans ces rêves, dans des rêves d'ailleurs, et pourquoi le rêve serait-il vraiment, plus qu'autre chose, le lieu de notre moi authentique? Est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes arrivé à vous réaliser? Évidemment non. Pourquoi? Pas du tout. Peut-être parce que j'avais trop de rêves au démarrage. Oui. Pas au démarrage de cette carrière de chanteur, je parle pas de ça, je parle de ma vie. J'ai beaucoup de rêves, moi. J'aurais bien aimé être Christophe Colomb aussi. Ah. j'aurais bien aimé écrire comme Mauriac, parce que Mauriac a écrit, mais écrire comme lui. Ouais. Et puis, des tas de choses, enfin. Tout dépend du rêve qu'on a au départ, je crois, pour se réaliser. Ce qui compte, c'est d'aller, à mon avis, au bout de ses rêves. C'est un cliché, une évidence, la réalisation totale, complète, ultime de soi, résiderait dans celle de nos rêves. Vous savez, ce qu'on avait quand on était enfant, le rêve de devenir astronaute, pompier, d'être écrivain, comme on vient de l'entendre avec Jacques Brel, d'être vétérinaire, d'être célèbre ou d'avoir beaucoup d'argent. Il y aurait là l'essence de ce que nous sommes au fond, une essence désormais inatteignable ou perdue d'un moi idéalisé. Réaliser ses rêves, ce serait donc accomplir la chose qui nous semble la plus importante, qui nous caractérise le mieux, ce serait atteindre la meilleure version de nous-mêmes, la plus adéquate, la plus authentique, la plus fidèle. Ce serait en fait toucher son propre idéal. Mais au-delà de cet égotrip, de cette volonté de puissance, on est quand même en droit de se demander, l'identification entre soi et ses rêves est-elle si claire? Nos rêves sont-ils si authentiques, si purs? Jusqu'où sont-ils reconstruits, réinterprétés? Cette idée de réaliser ses rêves recouvre ainsi, selon moi, non seulement l'idée bancale que le rêve contient notre moi réel, vierge de la corruption du monde extérieur, mais aussi celle, tout aussi bancale d'ailleurs, que le rêve est vrai, qu'il touche juste, qu'il a raison. C'est comme si en misant sur le rêve, on idéalisait déjà le rêve en tant que tel, comme s'il était de fait meilleur que la réalité, dans le vrai, quand la réalité, elle, serait trompeuse, viciée, fausse. Mais si les rêves sont meilleurs que le réel, pourquoi donc vouloir les réaliser? Vous êtes nombreux à avoir des rêves. Mais vous êtes très peu à faire le premier pas pour les réaliser. Vous avez des rêves au fond de vous, des choses que vous souhaitez réaliser. Mais pour la plupart, vous vous en croyez incapable. Tous ces rêves vous sont donnés pour qu'ils puissent être un jour réalisés, pour que vous puissiez les réaliser. Réaliser ses rêves, tout le paradoxe est là, dans cette phrase. Car les réaliser, c'est littéralement les rendre réels et donc les faire tomber du côté de cette réalité dont on ne voulait plus. Cette réalité que l'on croit fausse, corrompue, que l'on tient pour responsable de nous avoir détournés de nos rêves. Mais il y a quelque chose d'encore plus paradoxal, qui m'étonne encore plus dans cette injonction à aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est qu'on est persuadé qu'on pourrait les connaître, les identifier, les désosser en un plan d'action, les résumer en un but. On veut les rendre réels et faire un trait sur ce qui précisément pourrait rester de l'ordre de l'idéal, tel un horizon, ou de l'ordre de l'imaginaire, tel un refuge qui nous repose ou nous évade. Quelle tristesse donc de vouloir réaliser ses rêves, car qu'en reste-t-il quand ils deviennent des objectifs? Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission en compagnie cette semaine de Thomas Beau et de Laurence Malonda, Jacques Hubert qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions autour de l'acteur Michel Piccoli. Et oui, on lui rendra hommage en regardant ses films. On parlera du Mépris de Godard lundi avec Hélène Frappa, des Choses de la vie avec Ntebine mardi, La Grande Bouffe avec Marc Rosmini, ce sera mercredi. Et enfin, Dominique Blanc viendra vous parler de Michel Piccoli, avec lequel elle a joué notamment dans Mille ou en mai de Louis Malle. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous y attend et est toujours ravie de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.